Tradition de Normandie, commune Bayeux, Noël de l'avocat. Dans le bailliage de Bayeux, en 1790, il existait un usage singulier. À l'audience qui précédait les fêtes de Noël, l'avocat qui plaidait la dernière cause entonnait à haute voix un cantique populaire sur la nativité de notre Seigneur. Alors, juges, avocats, plaideurs et assistants reprenaient en chœur le chant de Noël qu'ils poursuivaient à gorge déployée. Pluquet, contes populaires, préjugés, patois, proverbes, nom de lieu de l'arrondissement de Bayeux, 1834. Lu par Sabine pour Audiocité sous la licence Art Libre.